Alors, nous sommes maintenant avec Mike O'Clary de son nom et nous, Makanaskina Kwekwetcha. Mike, tu es avec nous? Oui. Oui. Donc, la résistance contre le traité Petapan s'organise. Ça a été, entre autres, un événement cette année. Il y a eu plusieurs luttes qui sont organisées, des actions, etc. contre ce fameux traité que trois conseils de la bande veulent imposer à vos communautés au pluriel. Mm-hmm. Tu peux nous parler de ça? Oui. En fait, il y a eu une mobilisation contre les traités qui a été commencée en fait par le regroupement des familles traditionnelles de chasseurs-cueilleurs. Maintenant, c'est devenu pas mal beaucoup, de plus en plus d'Innus. En fait, ça concerne tous les Innus. C'est un traité en fait qui doit venir carrément assimiler dans la Constitution canadienne. Ça vient carrément enlever notre culture, notre identité. C'est vraiment un processus d'assimilation, là, programme d'autonomie gouvernementale. Ça implique trois conseils de bande. Il y a eu beaucoup d'actions là, jusqu'à maintenant. On a eu une première action à Gérardville. On a fait un moyen de pression. On a bloqué les chemins là-bas. On a visé la compagnie Résolue. Par la suite, on s'est rendu sur la 167 là, dans le parc de Chibougamo avec nos amis Atikamekw. On était plus d'une cinquantaine. Par après, on s'est rendu à Québec. On a fait une apparition surprise dans le bureau, ce qu'il y avait la table de la négociation. On a mis une pression que ces territoires-là, c'est non négociable. Ça n'existe pas le mot négocier en Innu. C'est des missionnaires qui ont amené ce mot-là. Négocier, ça veut dire vendre. Puis Nitassinan, on peut pas vendre ça. Parce que c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait respirer. C'est une question de survie. C'est pourquoi qu'on lutte contre ce traité-là. Puis il y a d'autres actions qui vont s'en venir aussi, très, très prochainement, parce que le chef il a annoncé le 31 mars, le chef de Machteouyats, de bande, il a annoncé qu'il voulait signer là, le traité. S'il n'y a pas de traité qui signe avec Québec, il veut faire une pression là via se servir des recours judiciaires, là, via les la justice. Fait que là, vu cette pression-là, nous, ça nous appelle vraiment à se mobiliser là pour ça, puis faire pression non seulement au gouvernement, mais aussi à toutes ces compagnies là qui attendent. Parce que là, ce base de traité-là qui est prévu être signé, c'est selon l'entente de principe d'ordre général de 2004. Cette entente de principe-là d'ordre général, en fait, c'est les bases d'entente là du traité. Là. Tout est inclus là-dedans. Là. Ça, c'est disponible en ligne. Mettons, c'est écrit entente de principe d'ordre général. Là. Vous allez trouver toutes la base du traité en tant que tel. Puis en fait, ça devient comme vraiment un droit de veto cédé, pouvoir décisionnel. Donc, ça devient vraiment un pouvoir au gouvernement. Donc, le Nitassinan devient à la merci des compagnies qui vont exploiter sans merci. Là, surtout qu'on sait qu'avec la loi Bill C-31 qui a abaissé les lois environnementales là, pour les projets, puis en plus avec la nouvelle loi 101 qui vient de passer, là, ça va augmenter l'appétit encore plus des entreprises là, qui vont venir forer, qui vont, comme là, il y a le projet GNL qui s'en vient à Saguenay. Entre autres, on les a avertis dernièrement. On a fait une apparition. On est allé sur leur site au port. Prochainement, voilà. On prévoit aussi faire d'autres mobilisations aussi, là, contre plein de projets, là, comme aussi Ariane Phosphate qui a été acceptée deux jours avant Noël, là, par les gouvernements. Sans tout ça, tout le temps, sans les consentements, c'est tout le temps des négociations avec les corporations, les modèles de mairie, là, conseil de bande, qui sont des modèles de mairie, là. On va te le dire, pour moi, c'est des corporate terrorism. Dans le fond, c'est des gens d'affaires qui sont associés avec les Rockefeller, avec toutes les des actionnaires majoritaires là, actuels qui détruisent Nitassinan. Donc, leur seul but, là, c'est ça, là, avec le traité. C'est dans le vendre le territoire. C'est pour ça qu'on bouge. Il faut bouger. C'est la question, c'est la survie. Non seulement c'est la survie pour les êtres vivants, mais c'est pour ça que ça m'a appelé à cette lutte-là. J'ai commencé en 2013 vraiment à me mobiliser contre ce traité-là, à rendre compte vraiment de, tu sais, sur papier, dans le fond, ça va devenir cédé. Alors, nous autres, il faut se rappeler que Nitassinan, c'est un grand territoire qui part de Québec, qui va jusqu'au Labrador, soi-disant Labrador, soi-disant Québec. Nous autres, on appelle ça Nitassinan, ce qui signifie Chitassinou, notre terre, en fait, auquel nous appartenons. C'est la terre auquel nous appartenons depuis des millénaires et que nous respectons. Et donc, cette terre-là va être complètement là signée là, par votre traité. Ça va être reconnu au gouvernement appartenir la juridiction définitive là, par papier au gouvernement. Les entités vont signer. Donc là, ça va être signé. Nous, on n'a jamais cédé ça. C'est ça là, le danger là, de cette. Ça va faire comme la baie James, comme les autres traités un peu partout dans l'Ouest canadien. On a vu les babies, là, le mouvement là, Freedom Baby dans l'Ouest canadien. Eux, ils ont vraiment bloqué les scrutins là, de face aux traités. Ils luttent aussi contre les traités coloniaux. Il y a beaucoup d'Autochtones actuellement qui luttent contre ces traités-là. En fait, c'est l'assimilation. On permet même pas à notre culture et à nos organisations traditionnelles de s'organiser à notre façon. C'est toujours imposé selon la couronne. Donc, c'est la loi de la compagnie, c'est la loi de la capitaliste, c'est la loi de la destruction massive, là, génocide qui perdure là, de nos peuples. Donc, c'est ça. Ouais. Tu parlais de différents projets, puis des projets qui sont déjà en cours. Il y a tous les projets qui sont historiques et qui perdurent sur le temps de Résolu, donc oui. De la compagnie Résolu. Donc, on pourrait peut-être parler en premier. C'est quoi l'effet de Résolu sur l'intestinane, par exemple? Ben, l'effet présentement Résolu, il ne respecte pas, premièrement, Mistook, Natsumet. Il ne respecte pas Inuin. Qu'est-ce que nous, Inuin et Natsumet, il ne respecte pas la vie. Il ne respecte pas Atuk. Atuk, c'est le caribou, c'est Atukwapel. C'est lui qui nous a donné la plus grande source de nourriture, qui nous a vêti, qui nous vêtit encore. Qui nous permet de nous nourrir. Est-ce que le fait que je peux parler là présentement, c'est grâce à lui. Il respecte pas, il coupe à blanc les forêts présentement. Entre autres, là, ils sont dans la forêt qu'on appelle sur les monts Otich, les montagnes blanches, c'est le centre du Québec. Ils sont en train de raser ça à blanc, puis c'est les endroits d'hivernage où ils vont hiverner les caribous forestiers. C'est nécessaire pour eux d'avoir un couvert forestier cette période de l'année. Ils migrent beaucoup. Mais c'est des endroits, des aires d'hivernage, des répartitions. Là, ils sont en train de tout couper à blanc puis perturber l'habitat. Puis il est en voie d'extinction. Ils coupent carrément à blanc. Ils respectent pas. Puis ça, c'est la montagne sacrée, ça. Il faut savoir que pour la culture et nous, là, le rêve, là, à Tokwapel, c'est le rêve de l'homme caribou. On en a fait tellement respecter cet frère qu'on considère comme notre égal et même un être supérieur qu'on en a fait un être suprême, un être supérieur en l'homme caribou dans nos... C'est vraiment un lien là, non seulement spirituel, mais un lien avec le tambour et le rêve, puis l'illumination, puis vraiment le lien avec la vie et tout ce qui résonne. Là, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment là une culture qui est en péril là, parce que le tambour, c'est un instrument de survie. C'est relié avec le caribou. Présentement, le caribou est en train de carrément d'être en voie d'extinction à cause de Résolu qui coupe à blanc là, les forêts. Là, sont en train de vraiment... Puis nous, entre autres, on avait eu un signe par rapport à ça. À Tokwapel, on avait vu des pistes d'Atokwapel, un caribou qui se dirigeait vers l'ouest. Ça signifie vers l'ouest, là, c'est la mort. Puis pas longtemps après, on a vu justement que Résolu annonçait des coupes à blanc dans ces secteurs-là, puis il continuait à couper là, énormément là, nos forêts. Non seulement ça affecte le caribou, mais ça affecte aussi tous les autres animaux, là, toute la biodiversité qui est sur place, là. Tu sais, moi, mettons, c'est mon garde-manger, je dépends de ça pour vivre. Tu sais, ils vont couper à blanc, ça va me prendre jusqu'à 25 ans pour pouvoir relocaliser un endroit qui a été coupé, pour pouvoir rechasser dans cet endroit-là. Il n'y a plus rien. Pendant 25 ans, c'est mort. Là. Puis toute l'eau, parce qu'il y a des amoncellements d'arbres qui ne ramassent pas, des tas d'arbres, tout ce qu'il y a de feuillus, de bouleaux, de trembles, ils ne ramassent pas ça, ça pourrit là. Fait que tout le ruissellement transporte ça dans l'eau, ça devient que ça contamine l'eau. En tout cas, ça, c'est le résultat de Résolu actuellement. Puis surtout qu'ils coupent sans normes FSC. C'est des considérés comme des squatteurs sur nos territoires qui n'ont jamais été cédés. Fait que c'est très, très chaud. C'est pour ça que quand on les a rencontrés, on a bloqué en Girardville l'année passée. Ils étaient très, très inquiets par rapport à ça parce que ils sont très illégaux là, par rapport à nous. Ouais. Puis il y a une flopée de nouveaux projets qui veulent se développer sur l'intestinane, dont GNL Québec. Oui, GNL, oui. Ça, c'est un projet qu'ils veulent développer d'au-dessus de 650 kilomètres de pipeline qui va partir de l'Ontario, en fait, déjà de la pipeline de TransEnergy Canada. Ça va acheminer, en fait, c'est le gaz naturel là, non conventionnel qu'on dit de schiste, là, par fracturation hydraulique, là. Qui vient de l'ouest là, canadien, là, ça va être alimenté. À partir de l'Ontario, la connexion n'est pas faite jusqu'au Québec, ça va passer sur notre Nitassinane. et ça va se rendre jusqu'à la baie. Et ça, c'est sans compter les risques de fuite, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fuites par rapport à ces pipelines-là, les changements climatiques, ça passe des milliers de cours d'eau. C'est vraiment là néfaste pour l'environnement, pour l'eau, contaminer l'eau qu'on boit, c'est dégueulasse. Puis ça s'en vient carrément là sur notre territoire. Puis en plus, ça va acheminer à la baie une usine de liquéfaction qui va transformer ce gaz-là là, naturel. Fait que dans le procédé de liquéfaction, ils vont prendre l'eau qui est sur place puis ils vont la rejeter, ce qui va doubler encore plus les dommages collatéraux sur notre environnement dans le seul parc marin qui est présent pour le poisson qu'on pêche à cet endroit-là. Puis non seulement l'eau qu'on boit aussi, tous les résidents boivent le fleuve aussi, ça jette dans le parc marin puis dans le fleuve. Puis en plus, ça va augmenter des projets méthaniers, en fait, ce qu'on appelle, c'est des bateaux méthaniers qui vont transporter du gaz naturel qui va augmenter le trafic, là. Non seulement dans le seul parc marin Saguenay, où ce que les belugas se reproduisent, où qu'on pêche le poisson, parce qu'il y a plein de biodiversité là, d'animaux. Ça va atteindre l'eau aussi qu'on boit. Là. Fait que c'est tout ce projet-là, là, c'est en plus, a été accepté par 3 conseils de banque. Justement, Mathieu Yass, le chef Gilbert Dominique, René Simon de Pessamit, puis Issipit aussi. Là. Puis ça s'en vient là. Si tout va bien, là, le projet devrait être accepté. Là, 2016, il devrait débuter. Là. Tu veux dire 2017? Oui, 2017, c'est ça. C'est ça qui avait été annoncé. Là. Et c'est pour ça que nous autres, moi, j'ai été très agressif par rapport à ce projet-là. On est allé sur le site Grandance, on les a avertis. Mais nous, on ne reconnaissait pas la loi 106 et toutes ces... cette ouais. loi-là. Là, puis tout ce qui était imposé avant les fêtes par le gouvernement du Québec. C'est ça. Là. Ça a été imposé, là, tu sais, puis... ça affecte la vie, ça affecte l'eau, là. Il n'y a plus de respect, c'est rendu la loi de la compagnie. Puis en plus, ça peut exproprier un propriétaire qui est un agriculteur. Non seulement ça va toucher le mode de vie des Innus, des Autochtones, parce que ça passe pas sur notre territoire, là, de l'Ontario jusqu'au Nitassinan, on s'entend que ça peut passer sur le territoire des Mohawks, territoire des Anishinaabés, territoire des Atikamekw, il y a d'autres nations. Puis non seulement les milliers de Québécois aussi là, qui vont être là, ça va toucher leur eau aussi, ça, là. T'sais, on a vu les effets néfastes que ça fait, ça, là, les fuites. Puis en plus que ça vient de gaz par fracturation. Moi, c'est le fait que des chefs ont signé ça, les 3 chefs, alors qu'ils ont signé un moratoire, en fait, carrément une injonction. Ils ont envoyé une injonction à Petrolia contre cette fracturation hydraulique-là pour le gaz naturel. Puis ils s'en viennent accepter des projets comme ça qui passent sur notre Nitassinan. C'est complètement contradictoire. Ça marche pas, là. Ça fonctionne pas, là. Parallèlement à ça, il va y avoir aussi Ariane Phosphate et une autre mine qui commence par Black, mais je me rappelle plus, c'est Black quoi? Black Rock, oui, Black Rock. Elle est déjà commencée, c'est en territoire Cree, là, qu'on appelle Oujibougoumou. C'est eux, ils ont été les derniers à signer la convention de la Baie James, le traité. Ça, c'est une preuve aussi que le gouvernement a négocié à la pièce les traités. Fait qu'il peut aussi bien, comme une communauté peut aussi bien y adhérer. Et tranquillement, l'échiquier va se placer puis il va l'imposer à toutes les autres. Là. Mais d'ailleurs, BlackRock, oui, s'en vient là à grande anse. 80% de chances que le projet soit accepté. Le maire l'a ouvert à grand bras ouvert. Encore une fois, on n'a jamais consenti les peuples autochtones, chasseurs-cueilleurs, qui est vraiment utilisateur du territoire. Un conseil de banque, lui, il a seulement un rôle actuellement colonial sur la réserve en tant que telle. Et il décide de prendre part aux décisions vraiment, carrément en bafouant nos droits millénaires sur les territoires, ce qui est inacceptable. Donc, eux, ils vont accepter un port là, en grandance pour faire parvenir le minerai par train. Fait que ça va augmenter aussi le trafic maritime aussi. Puis en plus de ça, ben, Ariane Phosphate, sans compter Ariane Phosphate, qu'eux vont être juste en face de l'autre côté, dans le coin de... Je ne sais pas si c'est à Sainte-Rose-du-Nord ou un autre endroit, une petite municipalité dans ce coin-là. Lance-à-Pelletier, c'est ça, c'est à Lance-à-Pelletier. C'est là qu'ils vont faire un terminal pour la mine d'Ariane Phosphate, qui est du phosphate qui est utilisé pour des engrais là, pour l'agriculture. C'est des engrais chimiques là, pour les monocultures, là, Monsanto, là, les cultures là, cancérigènes. Là. Donc, ça va être acheminé par des trocs, des camions miniers. À toutes les 5 minutes, là, calculé sur 50 ans, c'est un projet qui a été accepté par le gouvernement 2 jours avant Noël. Bien, calculé sur 50 ans, là, les trucks vont voyager aux 5 minutes avec des convois miniers. Fait que pour ce qui est des droits ancestraux, de la chasse, oublie ça dans ce coin-là. Là. parce que le droit, il est non seulement individuel ou collectif, là. C'est, ça appartient pas à un, parce que là, présentement, le conseil de bande, lui, a accepté le projet. Il est allé voir, genre, des gestionnaires de l'eau de trappe. Parce qu'il faut comprendre que les réserves indiennes, actuellement, sont assujetties sur la loi des Indiens, mais ont aussi dans un système des lots de trappe qu'on appelle réserves à castors, qui ont été instaurés dans les années 50, qui ont divisé les territoires familiaux avec des délimitations. Puis que là, ils ont mis en charge, il va y avoir un gestionnaire. Puis là, c'est plus facile pour les compagnies d'arriver à les rencontrer, un gestionnaire, une famille, pour s'arranger avec une famille. Parce que là, le territoire a lieu sur un territoire d'une famille. Fait que ceux qui sont allés voir les promoteurs du projet, le conseil de bande, sont allés voir la famille, on va s'arranger avec eux. Mais sauf que le projet, là, ça touche pas rien qu'une famille. Là. C'est vraiment divisé pour mieux régner ce système-là. Parce que ça touche tout l'ensemble. Tout le convoi qui va voyager jusqu'en bas, ça va toucher l'eau, ça va tout perturber la chasse. Là. C'est ça là, qui est l'enjeu là, actuellement avec Ariane Phosphate. Puis il faut briser ces mentalités coloniales-là, là, d'histoire qu'un terrain, puis d'aller voir se faire acheter là, pour ça. Là, ça touche toute la communauté. L'eau, là, c'est une benne à ciel ouvert. Donc, ça va être transporté dans l'air, ça va descendre dans l'eau, les rivières. Ils disent qu'il n'y a pas d'impact économique. Là. Regarde, une benne à ciel ouvert, c'est une montagne au complet qui est creusée. Là. Avant qu'il y ait une montagne qui soit creusée, il y a une forêt qui est là. Il y a une biodiversité qui est là. Il y a des animaux qui vivent. Fait que l'histoire que ça touche pas là, l'environnement, là, c'est complètement absurde. Complètement fou. Ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de batailles en cours, puis il y a beaucoup de batailles à venir. C'est un peu le temps qu'on avait aujourd'hui, mais on va clairement revenir là-dessus dans les prochains mois. Mais pas de problème. C'est clair qu'il y a beaucoup de batailles. Puis on demande beaucoup à les Autochtones aussi, ceux qui sont à l'écoute, s'il y en a qui sont à l'écoute, là... Faut, c'est important de se lever pour nos enfants, pour nos générations futures, de se conscientiser de ces projets qui sont néfastes là, qui sont pas des exemples là, de développement là. À long terme, on s'entend, c'est des développements de destruction. Là. Actuellement, si on regarde la fonte des glaces, on regarde les espèces animales qui meurent, là, c'est pas une solution. Il faut protéger le territoire pour nos générations futures. Il faut vraiment viser là, la protection. Puis le traditionnel, c'est revenir à nos valeurs là, de respect qu'ont nos grands-pères et nos ancêtres, puis revenir à ces valeurs-là, c'est très important, traditionnel. Timishkumiten. Oui, puis Timigwetchik, Mestachinskumitna, Okasno et Tachek, Mestachinskumiten, Diwagan.